السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Aujourd'hui, inshallah, nous allons voir en fait une lettre qui a été écrite par un des grands savants de la sunna contemporain, Cheikh Salah Al-Fawzan, Cheikh Salah bin Fawzan Al-Fawzan, qui fait partie de l'assise des grands savants, concernant les doutes qu'il y a sur qui arrivent lorsque le mois de Ramadan arrive. وجاء رمضان وجاءت معه التشكيكات. Le mois de Ramadan est arrivé et avec lui sont arrivés des doutes. Donc le but de cela, en fait, c'est pour éviter que lorsque on va arriver vers cette période-là, Inch'Allah, si on vit, si ce n'est pas encore la fin des temps, eh bien, éviter ces doutes-là, Inch'Allah. جعل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان شهرا للخيرات والبركات والعبادات بأنواع الطاعات جرت فيه أحداث عظام في تاريخ الإسلام. الله عز وجل a fait du mois de Ramadan un mois de bienfaits, de bénédictions, un mois pour les adorations et les différents actes d'obéissance. قال الله تعالى شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dans la traduction du sens du verset, Allah Azza wa Jal dit « Tes jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. » Fihi, alaykum salam wa rahmatullah. Fihi layla khayr min alf shahr wa hiya laylatul qadr, qala ta'ala laylatul qadri khayr min alf shahr. Durant ce mois de Ramadan, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Il s'agit de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction sens du verset, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Et entre parenthèses ici, parce qu'il y a beaucoup de nos jours, traditionnellement, ils font ça, ils pensent que Laylatul Qadr, c'est la nuit du 27. Hein? Et donc, ils font une célébration spéciale, la nuit du 27. Ils préparent quelque chose de spécial, voilà. Je m'en souviens, dès que j'étais en Écosse, les gens ils s'habillaient différemment, comme s'ils venaient pour une salade de Jumu'ah, par exemple. Alors qu'il n'y a rien d'authentique sur cela, que c'est spécifique à ce jour-là. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était arrivé la nuit du 21. Hein? Mais aussi, c'était rapporté aussi la nuit du 27. Hein? Ce qu'il faut savoir, c'est que Laylatul Qadr, elle se situe dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, d'accord ? Et c'est une nuit impaire. أوجب صيامه وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله عز وجل a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan et le messager Muhammad صلى الله عليه وسلم y a instauré le qiyam. On appelle les Tarawih. Tarawih, notre nom, c'est aussi Qiyam al-Lil. Hein? Prière de nuit. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie la nuit durant le mois de Ramadan, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Donc, il faut utiliser l'opportunité de ce mois de Ramadan. Et on demande à Allah Azza wa Jal, wa alaykum salam wa sallam, an yuballighna Ramadan. Amin. Que nous pouvons accéder, arriver à Ramadan, afin de, yani, d'avoir cette opportunité-là de se racheter, de revenir vers Allah Azza wa Jal, de se repentir sincèrement vers Allah Azza wa Jal. Car celui qui prie, qui fait le qiyam l'est, hein, durant les nuits du Ramadan, les tarawih, ce qu'on appelle, hein, avec cette foi-là et avec l'espérance d'avoir la récompense, hein, Allah Azza wa Jal lui pardonne, subhanallah, ceux qui précédaient en termes de péché. Donc, lorsqu'on dit iman wa ihtisaban, lorsque l'imam il est en train de réciter le Coran durant les salats de Tarawih, il ne faut pas qu'il y ait des frères qui commencent à faire pour dire à l'imam, allez, arrête et commence la raka, parce que ça devient trop long. Il suffit de revoir comment les sahabes ils faisaient, subhanallah. Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier. Il l'a rejoint dans la salade. D'accord ? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait pendant longtemps. Il récitait surat al-Baqarah. Hein ? Sans s'arrêter. Subhanallah. Et il commençait une autre surah. Jusqu'à quand Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a dit, j'ai eu cette mauvaise pensée que j'ai failli arrêter ou m'asseoir. Subhanallah. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils font du bruit, voilà qu'ils font. Le but c'est quoi de salat et tarawih? C'est que la personne elle a fait avec foi. Iman, hein? Tu souhaites la récompense à Allah Azza wa Jal. Comment nous sommes faibles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le qiyam al-layl durant Ramadan ou hors Ramadan, Aisha radiallahu anha décrivait que le bas de ses pieds, il s'ouvrait à force, tellement qu'il restait longtemps, longtemps debout en prière, pendant que les gens y dormaient. Subhanallah. Si nous, pendant l'année, on n'a pas cette occasion de faire ça, qu'on en profite durant le mois de Ramadan, afin de revenir vers Allah, Azza wa Jal, sincèrement. Hassalat fihi waqa'at badr. Aussi, pendant le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel se déroulait la grande bataille de Badr. حصلت فيه وقعة بدر الكبرى يوم الفرقان فرق الله بين الحق والباطل. La grande bataille de Badr où Allah Azza wa Jal a différencié entre le vrai et le faux. فيه الفتح الأعظم فتح مكة المشرفة. Et pendant aussi le mois de Ramadan, il y a eu la plus importante conquête qui est la conquête de la Mecque. فيجب أن يعرف لهذا الشهر العظيم قدره ويستغل بالطاعات من صيام وقيام وتلاوة قرآن واعتكاف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بأنواع الطاعات إلا أنه في وقتنا الحاضر فرط فيه كثير من الناس. Il faut donc connaître la valeur de ce mois de Ramadan, important, et le consacrer aux adorations comme le jeûne, la prière de nuit, la lecture du Coran et la retraite pieuse. Lorsqu'on voit les salaf salih parmi les sahaba, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils spécifiaient le mois de Ramadan. Ils n'étudiaient pas, par exemple, d'autres fiqh, le fiqh, par exemple, ou bien la fiqh, ou bien la fiqh. Non, ils dédiaient le mois de Ramadan dans le Coran. Lecture du Coran, mémorisation du Coran. La personne n'a pas son temps à faire ça. À l'image du messager sallallahu alayhi wa sallam qui s'est donné spécifiquement à ce type d'obéissance. Il y a aussi l'i'tikaf pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, c'est-à-dire que l'i'tikaf c'est le fait que la personne pendant les 10 dernières nuits du Ramadan reste dans la mosquée. C'est une sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais contrairement à ce qui se passe à notre époque, beaucoup de gens ont négligé cela. Fata'ifa, il y a une partie des gens, fata'ifa. تعود له البرامج الإعلامية التي أكثرها ضياع للوقت من المسلسلات والتمثيليات والمضحكات والمسابقات والترفيهيات. Une partie des gens préparera que si bon le mois de Ramadan il arrive, c'est quoi, allez, on va regarder les caméras cachées, on va regarder les musalsalat, les séries. Yani c'est un mois où est-ce que les gens ils se préparent à regarder telle série qui a été préparée pour le mois de Ramadan. Ils vont passer leur temps à perdre leur temps dans cela, à regarder la télé. Et souvent, dans ces séries-là, il y a beaucoup de choses qui sont réprouvées. D'accord ? Yani, subhanallah.